ça par tes mots. Seule volonté, quand t'es en moi. Au devant, à la face, la volonté, moi t'es gommé. Moi, qu'on m'attend l'enlèverai. Si elle fait mes ou pardonnez-moi. C'est vrai ou annoncé, si t'es, nous pourrions pas parfait. Jamais, jamais, tu m'éloignes. Rayon soleil, rien que pour vous. Jamais, jamais, tu m'éloignes. Non, pas laissez-moi tout ça. Dis-moi, c'est pas de là que j'en défais.